Alors, vous connaissez peut-être before, B-E-F-O-R-E, qui veut dire avant ou avant de, et après se dit after, A-F-T-E-R. Et vous aviez peut-être vu avec Michel que la forme du passé de to drink, boire, est drank, D-R-A-N-K. Alors, comment dira-t-on « j'ai bu une tasse de café après le dîner » ? I drank a cup of coffee after dinner. I drank a cup of coffee after dinner. Et pour dire ils ont bu toute la bière, on dira they have drunk, D-R-U-N-K, all the beer. Là, on emploie la forme avec have parce qu'on sous-entend qu'au moment présent, il ne reste plus de bière. Donc, encore une fois, ils ont bu toute la bière. They have drunk all the beer. They have drunk all the beer. Donc, on a drink, drank, drunk. C'est un de ces verbes qui se comporte un peu différemment et qu'il faut connaître, mais qui sont faciles à retenir parce qu'on retrouve ces mêmes sonorités dans d'autres verbes. Par exemple, le verbe chanter, c'est to sing, S-I-N-G. Et au passé, ça donne sang, S-A-N-G. Donc, de la même manière que drink donnait drank au passé, sing donne sang. Et ça va être la même chose pour la forme du passé avec have, c'est-à-dire celle qu'on emploie quand il y a un lien avec le présent. Par exemple, pour dire « je n'ai jamais » never, N-E-V-E-R, « je n'ai jamais chanté en public », on dira « I have never sung in public ».« I have never sung in public », oui. Donc « drink, drank, drunk » et sing, sang, song. Il y a un autre verbe qu'il est utile de connaître et qui fait partie de cette série, c'est to ring, sonner. Alors, si un facteur, c'est a postman, P-O-S-T-M-A-N, mot à mot, un homme de la poste, encore un mot qu'on doit au collage à l'anglaise, comment dira-t-on le facteur sonne toujours deux fois ? Et watch out, car en anglais, on dira toujours sonne et non sonne toujours. The postman always rings twice. The postman always rings twice. Maintenant, vous connaissez le titre du film en anglais. Et sachant que quelqu'un se dit somebody, S-O-M-E-B-O-D-Y, ou someone, S-O-M-E-O-N-E, comment dira-t-on quelqu'un a sonné à la porte il y a 5 minutes, qu'on dit minutes. Someone rang at the door 5 minutes ago. Okay, somebody, ou bien someone, rang at the door 5 minutes ago. Alors, si vous avez pensé à placer ago en fin de phrase, well done. Ça veut dire que je n'ai même plus besoin de vous le rappeler. Alors, sing, sang, song et ring, rang. Rung. Rung, c'est ça. Et comme je le faisais remarquer auparavant, l'anglais peut être avare de mots, et par conséquent, un même mot peut revêtir toute une série de sens différents. Alors c'est le cas notamment de « to ring », qui veut aussi dire « appeler au téléphone ». Alors, si votre patron c'est « your boss », et je suis sûr que vous êtes familier avec ce terme, puisqu'on emploie aussi ce terme en français. Alors, comment direz-vous « je viens d'appeler votre patron ». I have just rung your boss. I have just rung your boss. Oui. Alors, to ring dans le sens d'appeler au téléphone est surtout courant en Grande-Bretagne. Aux États-Unis, que dirait-on, Vincent? Je viens d'appeler. I have just. I have just called. I have just called. Oui. Donc, avec to call, que vous connaissez déjà dans le sens d'appeler. I have just called your boss.